Dans la Casbah, il y avait des formulaires à remplir pour les invités, des gens qui arrivaient par famille. Donc il fallait définir un genre d'INCEE, là. Le nom du chef de famille, l'épouse, combien d'enfants? Logement, mètre carré. S'il y avait un invité, il venait d'où? Il fallait identifier. Tout à fait, les fiches de Combien de renseignement temps qu'il allait sociaux. renseigner? Je faisais ça aussi. Donc, Ça, je l'ai fait. Ça, je le faisais. Et ça, c'était la SAS. Donc, j'étais en liaison avec eux, je faisais ce travail-là, tout en étant interprète judiciaire et par derrière à Théo, bien sûr. Donc, c'était la SAU de la Casbah d'Alger, c'est ça? Vous avez fait ça durant quelle période? C'était en 58? Non, c'était en 59, ça. 59. C'était avant de partir, avant de monter à Paris. D'accord. Et ensuite, c'est Montaner qui vous a proposé de retourner à Paris? Ah, ben, ils ont embauché. On y arrive à 300. Et vous, ça vous a. Noisy-le-Sec, Ça vous a. Romainville. Ça vous a. Vous étiez d'accord pour retourner à Paris, vous qui aviez déjà été à Paris? Pourquoi? Ben, j'étais plus civil, j'étais policier en uniforme, maintien de l'ordre. C'est une manière de. Et puis en plus de ça, à l'époque, les gardiens de la paix métropolitains tombaient comme des mouches ici. Donc, le capitaine Montaner a eu une idée qui était formidable. Il a dit, bon, pour combattre le FLN, on va faire venir les harkis. Il n'y a que nous qu'on peut les comprendre. On connaît leur mentalité, on sait comment ils vivent, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils respirent. Le policier métropolitain est incapable de trouver quoi que ce soit. Donc on est venu, et puis au bout de quelque temps, il n'y avait plus d'attentats contre les gardiens de la paix ou les officiers Et de vous, ça vous police. disait de quitter à nouveau Alger Ouais, pour aller à Paris? j'en avais marre d'Alger, moi. Vous en aviez marre d'Alger? Oh, La situation, tout ce que vous m'avez parlé, on des savait plus, on excès. savait plus ce qui se passait, il y avait Donc c'est des vrai que c'est. rumeurs de fin de guerre, des rumeurs de reprise, il y avait des rumeurs qui circulaient partout, n'importe qui fabriquait des rumeurs, on parlait d'une mer rouge, on parlait d'une mer noire, des contre-terroristes, on parlait des gens qui tuaient les gens la nuit, on parlait de. Il y avait bon, c'était infernal, c'était des. Il faut le vivre pour le comprendre. En tout cas, vous On êtes tellement était obsédé. sur les nerfs 24 heures par jour, si je peux me permettre. Le temps du sommeil, c'était le temps du sommeil. Mais dès qu'on était éveillé, bon, c'était, on entendait des trucs de toutes sortes, mais de toutes sortes. Lorsque vous avez participé avec le capitaine Montaner au recrutement un peu de ces harkis, Mourazine. Non, moi j'étais brigadier adjoint de police. Il m'a donné le 13e arrondissement. Est-ce que tous les Morasni ou tous les Harkis qui sont partis pour Paris étaient volontaires pour partir? Tous savaient ce qu'ils allaient faire à Paris. Donc vous arrivez à la police auxiliaire de Paris. Vous êtes commandé quoi exactement? Vous êtes Le 13e arrondissement. Vous êtes au 13e arrondissement? Oui, j'ai tout le 13e à charge. Ouais. C'est-à-dire, vous avez combien de policiers auxiliaires sous 100. 100 policiers auxiliaires. Ouais. Ça veut dire, vous avez tout le 13e. Tout le 13e, oui. Et la situation, comment vous l'avez trouvée quand vous arrivez? Alors, quand je suis arrivé, c'était le FLN qui faisait la loi. C'était pire qu'en 57, quand vous avez été. Ouais. Il faisait la loi. Et donc, je crois qu'on a mis. 2 mois, 2 bons mois, 3 mois même, pour rétablir un peu l'ordre là-bas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il fallait qu'on nous voie, donc je faisais des patrouilles avec mes gars, en uniforme. Donc je faisais des contrôles d'identité, des examens de situation. On trouvait quelqu'un qui avait 4 000 francs en argent de poche et qui ne travaillait pas, on se posait des questions. Ça venait d'où? Ou proxénète, ou voleur, ou collecteur. C'était simple. Donc on l'interpellait, on l'emmenait au 13e arrondissement chez nous. Et j'avais aménagé une cave, j'avais peint avec de la chaux, j'avais scellé des anneaux au mur. On a été au marché, il y avait des marchands arabes, ils nous avaient peur de nous, ils nous ont fait cadeau des poulets et des coqs. On a égorgé ces poulets et ces coqs, et on a saupoudré le mur avec du sang. Réel, hein? Véridique, hein? Et j'ai conditionné l'individu, il était conditionné. Donc quand on descendait à la cave, avant même de lui demander son nom et son prénom, il allait faire un tour à la cave. On le laissait mariner pendant 2 heures. On coupait la lumière, il s'était allumé, dès qu'il voyait le sang, il était terrorisé, donc il avait entendu dire qu'on était des massacreurs, des tortureurs. On n'a jamais torturé. À Paris, on n'a jamais. Et donc, je le conditionnais comme ça. Donc il n'y a pas de montre, il n'y a pas de lumière. Je le fais sortir, 5-10 minutes, je parle avec lui, il fume sa cigarette et je le redescends, je le laisse 2 heures. On appelle ça en psycho une brisée sensorielle. Au bout de 2 jours, il ne sait plus quel jour il est, quelle heure il est. Il n'a pas de montre, il n'y a pas de lumière, etc. etc. Et on lui donne à bouffer normal, le casse-croûte normal. On allume la lumière, le temps qu'il voit tout le sang au mur et tout ce qui s'ensuit, bon, il était, si vous voulez, au bout de 48 heures, le gars, il était prêt à parler de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, quoi.